Une larme d'espoir pour une âme en désespoir. Trop désespérés paieront ceux qui nous ont fait espérer. Aucun repère pour ressortir de cette galère, d'un système qui nous rend sourds et nous fait pioncer en rotation. Tu le sais, que l'espoir nous rend aveugles, il nous fait voler comme un puzzle. Le félin miaulé pour que ses proches, aucun décroche pour être seul. Seulement un renouvellement de caractère sincère, un minimum d'attitude pour un maximum d'inquiétude. C'est ça qui compte, et pas ceux qui racontent, qui n'ont pas d'aide, tous raides, sans potentiel. Prions le ciel sans être faibles, faut dire, la vie est parsemée de haine, de meurtre, de pression, que dire. Les jeunes de la rue sont bourrés d'obstination, destination dans une prison pour réflexion et sans raison. Coule une larme sur l'horizon à chaque saison, c'est pour Jason. Panorama pollué, soit reste ou crève sur la bleue. La queue de laine peut engraine mon péteux à péter un bring sur ceux. Ce qui est triste, c'est de voir que dans la rue, on nous pousse tous dans le mauvais côté, conditionnés pour tout niquer, toujours à l'affût. Ton taf sur le terrain risqué endosse la tenue. Caméléon vise les millions, mes proches de la zonzon. La chance étroitement liée avec la poisse, on voit que les démons, les têtes vrillées, sur course poursuite, on veut te freiner, te faire chuter, stopper ta vie plein de billets, de caisse capotée, et t'as surgonflé. Soir ceux, c'est qu'un bel rêve, et les pompes à Jean A. Quitter le check-out, ça de mer, s'évader des cubes à cafards. Il m'en faut à tout prix, les potes les oublient, comme un junkie sans sa croque, excès de spice sérieux. Qu'est-ce qui me reste sur terre, mes nerfs à rude épreuve, vieux. J'sais que le diable s'accaparait ma personne, plus crapuleux qu'Al Capone. J'ai mal gravé sur le front, frange de justesse la mort, en attendant que mon heure sonne. Et j'préviens, j'ai les grosses sorties, pour y voir ce que j'veux, j'suis prêt à Réti. À quoi ça rime de trouver là le soir en me disant que le seul but dans ta vie est d'obtenir tes rêves dès tes 10 ans. À tout prix, et ce à tous les prix, et que malgré les enjeux, t'es prêt à te priver des aides des plus envieux. Je vis comme toi, je vois comme toi, la lutte est la même. Mes baskets sont aussi sales que les tiennes et pense que la vie n'est pas toujours un cadeau. On rampe pour construire, on porte tous une croix sur nos dos. Alors je me pose des questions, est-ce que tu cherches un avenir sain ou un avenir souillé, passé contraint, à s'avouer à une vérité, une vraie. Rien de ce que tu as ne sera propre grand jamais. La vie se gagne comme chaque chose dans ta vie. Je te l'explique à chaque prose. Écoute donc ce que y'a je te pas dis. 36 recettes, c'est soit tu marches bien, soit tu marches mal. Soit tu frôles la normale et ça t'amène à rien. Soit tu fais les choses bien et tu te fais la mal. La vie c'est ça, c'est comme ça, un long combat. Y'a pas 36 recettes, c'est soit tu marches bien, soit tu marches mal. Soit tu frôles la normale et ça t'amène à rien. Soit tu fais les choses bien et tu te fais la mal. La vie c'est ça, c'est comme ça, un long combat. Et après ça t'ira où tu feras quoi. Et puis d'abord tu crois que t'es qui toi. Le vilain petit canard mythéco, le bandit. En 5-5 ton allure te trahit, vas-y. Sans l'auteur, vas-y, ouais, vas-y. Jusqu'à preuve du contraire, ça mouille la peur aïe. C'est ce que tu sais faire du mieux, ton barillet se remplit. Le banditisme grandit. Qui conseille? Mais quel conseil? J'argumente ma vision. Vaticination, ça va qu'un artiste, je vous jure qu'il y aura de l'action. Ça tourne, et trop tourne mauvais. Détournement du faussaire, et là ça chipote pour rien. Et là ça fricote, et bien, chacun marche à sa manière. Les mecs droits, les boiteux, les adroits, les dangereux, seuls ou à deux. Des frayeurs, quoi t'en veux? Ah, je t'en donne, papy. Ah ouais, c'est vrai, pas vu, pas pris. Mais c'est 100 jours pour la canaille, un jour pour le maître, tu me suis. Y'a pas 36 recettes, y'a pas 36 facettes, façon tu le vis. Je m'en fous, n'en fous de flouze, sans tes fraudes, des choses blues. Les Yankees, une vie se font son blues, Eddie. Boss, boss, pour moi le seul boss. Personne ne me gasse, gasse la tête, pas missier. Pour vous puissiez apprécier mon sourire, pour des jetons de monnaie, crois que je m'ennie. Dans le quartier, on y. Yes, finance au son comme on y. Je me dis que je ferai mieux la prochaine fois. Donc je reste zen. Bon Kenny, qu'à chaque passage de bus, beaucoup d'yeux se braquent. Trop de gens le survie. Ou ton Kenny, ou Winnie. Appelle-le comme tu le sens, manie et le respect est chamboulé, la force, le courage, la bonté. Le pompe de toi, un homme. Donc on prend mon esprit déconne. Cela donne des idées hautes, parabellum. En somme, meilleur que les consommes, bien viscères. Au taf, donne le maximum. Prends-moi pour un mec stone. À part que je possède des bonbonnes de mauvaises pensées. Pour les jeans, je me sers, je ne fais pas le monde. La vie est une prison, la mort est une clé qui délivre. L'homme pieux prouve sa crainte, maintient sa foi mieux qu'un calibre. Rêve d'une vie qui se termine pas de cette façon. Quitte à être un criminel, un demandeur de rançon. Questions, réflexions et réponses entraînent un choix. Légal ou illégal, réfléchis à ton ego. Rien à péter, je remplis mon frigo. Grâce à l'illicite, au lieu de me traumatiser, à bosser, se faire sodomiser. Tu vois que ça te pousse trop loin, tu vois que tu perds les tiens. Tu vois que le mal t'inspire, tu vois que la rage te contient. Y'a pas 36 recettes, c'est soit tu marches bien, soit tu marches mal. Soit tu frôles la normale et ça t'amène à rien. Soit tu fais les choses bien et tu te fais la mal. La vie c'est ça, c'est comme ça, un long combat. Y'a pas 36 recettes, c'est soit tu marches bien, soit tu marches mal. Soit tu frôles la normale et ça t'amène à rien. Soit tu fais les choses bien et tu te fais la mal. La vie c'est ça, c'est comme ça, un long combat.